Hallelujah. Hallelujah. So again, today what I said, that before the advent of the Messiah, before the Messiah came, avant l'avènement du Messie, avant que le Messie vienne, the Holy Spirit, le Saint-Esprit, prophesied about his coming, a prophétisé à propos de sa venue. And the Lord spoke through his prophets. Et le Seigneur a parlé à ses prophètes. They saw his coming. Ils ont vu sa venue. And when they saw his coming, et j'ai dit que quand ils ont vu sa venue, they also saw his stripes. Ils ont aussi vu ses meurtrissures. And the stripes they saw, et les meurtrissures qu'ils ont vues, key among them, une clé parmi celles-ci, was that the path of his coming would be a righteous path. Était que le chemin de sa venue serait un chemin de justice, which is very consistent with the Redeemer of his stature, qui est très consistant avec le Rédempteur de cette taille. Because he was coming, parce que il venait, to redeem fallen men, pour racheter l'homme déchu. And what had man fallen from? Et de quoi l'homme est-il tombé? Man had fallen from righteousness. L'homme est tombé de la justice. So it befits a redeemer of his stature. Alors ça nécessite un rédempteur de cette taille, that his stripes would be righteous, dont les meurtrissures vont être justice. And I said, as I run down to that key prophecy, et je dis, quand je vais à cette prophétie clé, that actually bespoke, qui actuellement annonçait his righteousness, sa justice, the anointing of his righteousness, l'onction de sa justice. I said I wanted to lay a foundation here that we may all be in one page. Je désire mettre une fondation ici pour que vous soyez tous à une page. And I said very clearly, et je l'ai dit très clairement, that one of the baby steps of the prophecy that actually proclaimed his coming, j'ai dit qu'un des pas de bébé de la prophétie qui actuellement proclame sa venue, said, and the Messiah shall be the seed of a woman, a dit, et le Messie doit être la postérité d'une femme. And we read from the book of Genesis, et nous lisons du livre de la Genèse, chapter 3, verse 15, le chapitre 3, verset 15, when that prophecy was hatched out, quand cette prophétie est éclose. And in those texts we saw, et dans ces textes nous avons vu, the promise that, look, it shall put enmity between the woman and the serpent. La promesse que, regardez, il y aura inimitié entre la femme et le serpent. And the seed of the woman and the seed of the serpent. Et la postérité de la femme et la postérité du serpent. And there will be the striking of the heel and the crushing of the head of the serpent. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. And in Galatians chapter 4 verse 4. Et dans Galates chapitre 4 verset 4. We saw very clearly the Lord saying, and when the time came to fulfillment. Nous avons vu très clairement, le Seigneur dit, et quand le temps est venu pour l'accomplissement, when the time came to completion, quand le temps de l'achèvement est venu, when the fullness of time came, quand la plénitude du temps est venue, he was born, the Son of God, the Messiah, was born of a woman. Il est né, le Fils de Dieu, le Messie, est né d'une femme, born under the law. Il est né sous la loi, meaning, signifiant, the Lord wanted him to face the afflictions of men. Le Seigneur désirait qu'il fasse à l'affliction de l'homme, the pain of humanity, la peine de l'humanité, even unto birth, même à la naissance, under the covering, the cloud of the law, sous la couverture de la loi, that he may feel the pain of the slavery under the law, pour qu'il puisse sentir la douleur de l'esclavage sous la loi, and that would give him the agony for men, et ça lui donnera l'agonie pour l'homme. The pain for men. La douleur pour les hommes. The more the reason I must redeem them from there. La raison principale pour laquelle je dois les racheter de là. I understand. Je comprends. I feel for them. Je sens pour eux. I feel with them. I know what they are going through. Je sens avec eux. Je sais à travers quoi ils passent. Alléluia. Alléluia. And I said, et j'ai dit that there was hence another prophecy also. Et j'ai dit qu'il y avait une autre prophétie. That said, and the Messiah will be a descendant of Abraham. Ça dit que le Messie sera un descendant d'Abraham. That the Messiah would be a descendant of Abraham. Que le Messie sera un descendant d'Abraham. That's why Abraham received the blessing of God. C'est pourquoi Abraham a reçu la bénédiction de Dieu. And many times I've given you a deeper revelation. Et bien souvent, je vous ai donné une révélation plus profonde. The reason for which Melchizedek, the king of righteousness, paid him a visitation. La raison pour laquelle Melchizedek, le roi de justice, l'a visité. And we see the prophecy said, et nous voyons la prophétie disant, in the book of Genesis, chapter 12, verse 3, dans le livre de Genèse, chapitre 12, verset 3, and the fulfillment of that prophecy, I'm going to say, et l'accomplissement de cette prophétie que je vais dire, Genesis 12, 3, dans Genèse 12, 3, this is what he says in NIV. C'est ce qu'il dit dans la nouvelle version internationale. I will bless those who bless you. Je bénirai ceux qui te bénissent. And whoever curses you, I will curse. Et quiconque te maudira, je vais le maudire. Again, I will bless those who bless you. Encore, je bénirai ceux qui te bénissent. And whoever curses you, I will curse. Quiconque te maudira, je le maudirai. And all peoples on the earth. Et tout peuple de la terre will be blessed through you. Sera béni en toi. The blessing of Abraham, right? La bénédiction d'Abraham. What was the blessing then? Quelle était cette bénédiction? Be careful. Attention. He said, Abraham, your descendants will be as numerous as the stars in the sky. Il a dit, Abraham, ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. God's nomenclature is standard. La nomenclature de Dieu est définitive. When he said oil, that the wise virgins carry oil. Quand il dit de l'huile, les vierges sages ont pris de l'huile. And they access the kingdom of God, right? Et elles ont eu accès au royaume de Dieu, juste? And then he sends the rider of the black horse. You see what he's doing on the global markets right now, right? Et ensuite il a envoyé le cheval noir, et vous voyez ce qu'il fait dans le marché global, juste maintenant. And he says, hey, when you see oil and wine, safeguard it. Et il dit, hey, quand vous voyez de l'huile et du vin, sauvegardez-les. The definition, la définition, the bounds, les limites, the consignment on that oil is standard and same. La consignation de cette huile est définitive et pareille. The Holy Spirit. Le Saint-Esprit. The same it is with the stars. C'est la même chose avec les étoiles. He said, his descendants will be as numerous as the stars. Il a dit, ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles. I'm trying to define the blessing he's talking about here. J'essaye de définir la bénédiction. Il est en train de parler à propos de vous. That all the nations on the face of the earth will be blessed through you, Abraham. Que toutes les nations sur la face de la terre seront bénies à travers toi, Abraham. And yet he had pronounced to him that his descendants would be as numerous as the stars, right? Et ensuite il a prononcé que sa descendance va être aussi nombreuse que les étoiles. But in Daniel chapter 12. Mais dans Daniel chapitre 12. Verse 1 to 4. Les versets 1 à 4. He is talking about the rapture of the church. Il parle à propos de l'enlèvement de l'église. And thereby, he says, et là, il dit, those who will lead many into righteousness. Ceux qui en conduiront beaucoup à la justice, they will shine in the kingdom like the stars forever and ever. Vont briller dans le royaume comme des étoiles pour toujours et à jamais. You understand? Vous comprenez? So the standard of the definition, the nomenclature is same. Alors le standard de la définition, la nomenclature est la même. Which means, he said, I will bless you and your sons. Ce qui signifie, je vais te bénir et tes fils. Through you the nations will access the kingdom of God. À travers toi, les nations vont avoir accès au royaume de Dieu. So that blessing. Alors cette bénédiction came through Isaac. You see that? Vient à travers Isaac. And that blessing is a spiritual blessing. Et cette bénédiction est une bénédiction spirituelle. The only blessing that came through Abraham that can allow the church. La seule bénédiction qui vient à travers Abraham va permettre à l'Église. The false humanity. La fausse humanité. The decomposed humanity. L'humanité décomposée. The fallen man. L'homme déchu. The apostate church. L'église apostate. To access the kingdom of God. Pour accéder au royaume de Dieu. That blessing must be the gateway, the link between here and heaven. Doit être la porte, la relation entre ici et le ciel. And that bridge we know is the Messiah. Ce pont, nous savons, c'est le Messie. Only through the Messiah. Seulement à travers le Messie. You can call it the cross. Yes, he brought the cross, right? Vous pouvez appeler ça la croix. Oui, il a apporté la croix. So that's why the prophecy had pronounced, "Hey, through you all the nations will be blessed." C'est pourquoi la prophétie a été prononcée et à travers toi toutes les nations vont être bénies. And I see your descendants like the stars. Et je vois ta descendance comme les étoiles. Meaning, I see them in heaven. Signifiant, je les ai vus au ciel. Shining. Brillant. You see that? Hallelujah. Hallelujah. I see them in heaven shining. Je les ai vus au ciel brillant. Like stars. Comme des étoiles. How wonderful, precious people. Comme c'est merveilleux, précieux peuple. So we need to appreciate the Lord, right? Alors nous avons besoin d'apprécier le Seigneur. There's every reason to say thank you, right? Il y a beaucoup de raisons de dire merci. The other thing I said, l'autre chose que j'ai dite, is that the prophecy well defined again, another level, c'est que la prophétie bien définie encore dans un autre niveau of his coming. De sa venue. And he said, and the Messiah shall be a descendant of Isaac, which you have just touched here. Et il a dit, le Messie doit être un descendant d'Isaac, que j'ai juste touché ici. And the Messiah shall come from Jacob. Et le Messie doit venir de Jacob. From Israel. D'Israël. That's why Israel always sits at the dead center of Bible prophecy. C'est pourquoi Israël toujours est situé au centre des prophéties de la Bible. The house of Jacob. La maison de Jacob. And that's why when I was going around, I said, Lord, don't allow me to speak to Israel. C'est pourquoi j'étais en train de tourner là autour, disant, Seigneur, ne me permets pas de parler à Israël. I don't want to see, you know? Je ne désire pas voir. But when the fullness of time struck, mais quand la plénitude du temps frappe, he turned me to Israel and said, now you can speak to her. Il m'a tourné vers Israël et il m'a dit, maintenant, tu peux leur parler. The apple of God's eye. La prunelle de l'œil de Dieu. They're moved out of their home. Ils reviennent dans leur foyer. Mark the signs of the time. Vous marquez les signes de ce temps. So, the Messiah would come from Jacob. Alors, le Messie viendra de Jacob. But there's another one I want to read about. Mais il y a quelque chose d'autre que j'aimerais lire. Which said, and the Messiah shall come from Judah. Qui va dire, et le Messie viendra de Juda. From the tribe of Judah. De la tribu de Juda. Alléluia. Alléluia. The Lord is good, right? Le Seigneur est bon, juste. Because he's making us understand the treasure of salvation. Parce qu'il nous fait comprendre le trésor du salut. The derivative, how it was derived. Le dérivatif, comment ça a été dérivé. The derivation up to the point where we reached. La dérivation après le point où nous sommes arrivés. We have to look back to appreciate it, right? Nous avons à regarder en arrière pour apprécier cela. Alléluia. Alléluia. Genesis chapter 49. Genèse chapitre 49. I want to look at the prophecy. Je désire regarder la prophétie that actually defined qui actuellement définit the anointing of his stripes of righteousness. L'onction de ses blessures de justice. Genesis 49. Genèse 49. Genesis 49. Genèse 49. The prophecies on our Lord, the Messiah. Les prophéties à propos de notre Seigneur, le Messie. Almighty. Tout puissant. Genesis 49, verse 10. Genèse 49, verset 10. I'm going to read Amplified, then I'll read NIV. I'll begin with NIV. Je commence par la nouvelle version internationale et ensuite avec la version amplifiée en anglais. Genesis 49, verse 10, it says. Genèse 49, verset 10, il dit. The scepter will not depart from Judah. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, nor the ruler's staff, ni le bâton souverain from between his feet, d'entre ses pieds, until he comes to whom it belongs, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, and the obedience of the nations is his, et que les peuples lui obéissent. Alléluia. Alléluia. He saw him coming. Il l'a vu venir. He said, il a dit, the rod of leadership, le bâton souverain, will not depart from Judah, ne partira pas de Judas, until one that I have seen coming, jusqu'à ce que celui que j'ai vu venir, holds it, le tienne, takes a hold of it, le tienne, and then the obedience of the nations, et ensuite, l'obéissance des nations, then all the nations will bow down unto him, ensuite, toutes les nations vont plier le genou devant lui. Alléluia. Alléluia. You see the prophecy. Vous voyez les prophéties. And he said, et il a dit, the obedience of the nation, l'obéissance des nations, which means the nations will bow before him. Ce qui signifie, les nations vont se plier devant lui. He shall hold the scepter. Il va tenir le sceptre. You say, Judah, you'll have it. I see you having it. Il dit, Judas, tu l'as. Je t'ai vu l'avoir. Until he that comes lays a hand on it. Jusqu'à ce que celui qui vient mette ses mains dessus. And then all the nations will bow. Et alors toutes les nations vont s'agenouiller. And worship him, right? Et adorer. Luke 3, 33. Luke 3, 33. The sonship, the genealogy. La filiation, la généalogie. Of Jesus, okay? De Jésus. He's talking about the genealogy of the Messiah. Il parle à propos de la généalogie du Messie. And he said, up to Judah. Et il a dit, jusqu'à Judas. That was now the fulfillment of that prophecy. Ça c'était maintenant l'accomplissement de cette prophétie. And the tertiary level of the fulfillment of that prophecy, you know when it's coming. Et le secteur tertiaire du niveau de cette prophétie, vous savez quand ça vient. Because there are three levels. Remember in Jeremiah, parce qu'il y a trois niveaux. Vous vous souvenez de Jérémie? When Jeremiah spoke, quand Jérémie a parlé and said, et a dit, I see Rachel wailing at Ramah. J'ai vu Rachel pleurer à Ramah. Refusing to be comforted. Refusant d'être confortée. She saying, leave me, don't try to comfort me. Elle disait, laisse-moi, n'essayez pas de me réconforter. Let my face be wet. Laissez mon visage être mouillé. Let me cry, let me weep. Laissez-moi pleurer, laissez-moi être en larmes. Because his sons are no more, my sons are no more. Parce que ses fils ne sont plus, mes fils ne sont plus. Rachel was wailing for her children. Rachel se lamentait pour ses enfants. The sons of Israel. Les fils d'Israël. Israel had not perceived the depth and the gravity of that prophecy. Israël n'a pas perçu la profondeur et la gravité de cette prophétie. Because the first level of the fulfillment of that word. Parce que le premier niveau de l'accomplissement de ces paroles was indeed when the tempest came from the north. Était réellement quand la tempête est venue du nord. The Babylonian conquest came. La conquête babylonienne est venue. And they demolished the temple of God and desolation consumed the land. Et ils ont démoli le temple de Dieu et la désolation a consumé le pays. So there was nobody to worship the Lord. Alors il n'y avait personne pour adorer le Seigneur. That's why it was desolate. Nobody. The sons went. C'est pourquoi c'était désolé. Les fils étaient partis. They went away. Ils sont partis. In fact, en fait, they were all gathered at Ramah. Ils étaient tous réunis à Ramah. And were chained. In those days, they used to have a long, big chain like this. Ils étaient enchaînés. En ces jours, ils avaient une très longue chaîne. A long chain, horizontal chain. Une longue chaîne horizontale. And you were tied on it. Et vous étiez attachés là. Either it's a piece of wood and chained on it, or a long chain itself. Que ce soit une pièce de bois et vous êtes attachés là, ou une longue chaîne elle-même. And you are tied. Et vous êtes attachés. You are all chained on that chain. Vous êtes tous enchaînés à cette chaîne. So they walked on that chain. Alors ils marchaient avec cette chaîne. So they were gathered as they were being chained. Alors ils étaient réunis comme ils étaient enchaînés. With the shackles of slavery at Ramah. Dans les entraves d'esclavage à Ramah. And you are familiar with when I say that Nebuzaradan. Et vous êtes familier avec ce que j'ai dit. Que Nebuzaradan, the commander of the Babylonian army, was walking by, checking. You know, you have to check on the slaves. Le commandant de l'armée babylonienne était en train de marcher là. Il observait. Vous savez, on doit vérifier les esclaves. You have to know who of them is not able to make it in this long journey. Nous avons besoin de savoir lequel d'entre eux ou qui d'entre eux n'était pas capable de faire cette longue trajet. Might die and you might just release right there. Alors il pourrait mourir et vous les relâchez juste comme ça. You have to check on the strong one so you can call your commander, write a letter with some messengers running. Vous devez chercher les plus forts, alors vous pouvez appeler votre commandant, écrire une lettre et l'envoyer par quelques messagers courants. Tell them we have 100 strong. Dis-leur qu'on en a 100 qui sont forts. We have only 25 who are strong. The rest are still young. They will grow and they will be strong also. Nous en avons seulement 25 qui sont forts. Le reste sont encore jeunes. Ils vont grandir et être forts eux aussi. When the commander Nebuzaradan, quand le commandant Nebuzaradan was walking to check on them, marchait pour les observer, then you are familiar with the fact that he told them. Alors vous êtes familier avec le fait qu'il leur disait. Hein? Are you the people who refused to listen to the Lord? Hein? Êtes-vous les gens qui ont refusé d'écouter le Seigneur? Remember that. Vous vous souvenez ceci? And that is very consistent with when the Bible says, and he raised Nebuchadnezzar his servant. Et ça c'est très consistant avec quand la Bible dit, et il a élevé Nebuchadnezzar son serviteur. The Lord called Nebuchadnezzar his servant. Le Seigneur appelle Nebuchadnezzar son serviteur. The one that comes to destroy the temple. Celui qui vient pour détruire le temple. The house of worship. Be careful, the Lord. La maison de l'adoration. Attention, le Seigneur. And then he meets Jeremiah, chained also. Et ensuite, il a rencontré Jérémie qui était lui aussi enchaîné. Then he says, hey, Jeremiah. Et il dit, hey, Jérémie, what are you doing here? Qu'est-ce que tu fais là? Are these not the people who refuse to listen to you? Est-ce que ça n'est pas les gens qui ont refusé de t'écouter? So the Babylonians were aware of what Jeremiah was saying on the other side. Alors, les Babyloniens étaient au courant de ce que Jérémie disait de l'autre côté. They said, oh, let us run and fulfill that word. Ils disaient, oh, courons et accomplissons cette parole. You understand? Vous comprenez? We have heard it say that we are going to attack them and conquer. Nous avons entendu cela, tu disais que nous allons attaquer et les conquérir. Let us run and fulfill it. Courons et accomplissons cela. So that happened. So there was desolation in the land. Alors ça s'est arrivé et il y avait de la désolation dans le pays. Nobody contested. Personne ne contestait cela. Nobody antagonized Jeremiah's word anymore. Personne ne contrecarrait plus la parole de Jérémie. Because Jeremiah was released and he was told, now you go. Parce que Jérémie était libéré et on lui a dit, tu vas. It was the governor, we put so and so governor. Atakupikia ugali utakula hapo pole pole. Alors le gouverneur va mettre un tel gouverneur tout pour cuire pour lui. You know the story. Vous savez l'histoire. So he was given a small place to stay. Alors il lui a été donné une petite place pour vivre. But now the issue is this. Et maintenant, l'issue est ceci. The second level of that prophecy. Deuxième niveau de cette prophétie. You find it in the New Testament. Vous le trouvez dans le Nouveau Testament. When the king is killing the sons, quand le roi est en train de tuer les enfants, trying to find the Lord Jesus and kill. Essayons de trouver le Seigneur Jésus et le tuer. The massacre. Le massacre. Then Jesus is taken by Joseph in a dream. The Lord told him, run to Egypt. Et ensuite Jésus est pris par Joseph dans un rêve. Le Seigneur lui a dit, cours en Égypte. Oh, do you know how the Lord speaks? Vous savez comment le Seigneur parle? I can share this, right? Je peux partager ceci. Because what you see in the dream. Parce que ce que vous voyez dans un rêve. You see, you are panicking. You are taking the baby. Let's go. You see yourself running, running, crossing the border. You are entering, going until. Then when you wake up, say, "Oh, the Lord has told me run with the baby." I can share this. Okay? Vous voyez, vous paniquez, vous prenez le bébé, vous vous voyez vous-même courir, traverser la frontière, vous entrez, vous allez jusqu'à, et ensuite vous vous réveillez, vous dites, "Oh, le Seigneur m'a dit, cours avec le bébé." Je peux partager ceci. When the Lord Jesus, baby Jesus, is taken into Egypt. Quand le Seigneur Jésus, le bébé Jésus, est pris en Égypte. That prophecy is fulfilled again. Cette prophétie est accomplie encore. And he said to fulfill his word that said, look. Et il dit pour accomplir cette parole qui a dit, regardez. My sons are no more. Mes fils ne sont plus. The Lord Jesus, the baby. Is now in Egypt. Le Seigneur Jésus, bébé, est maintenant en Égypte. The third one is here now. Le troisième est ici, maintenant. The third level. Le troisième niveau. Right now. Juste maintenant. The Church of Christ has fallen again. L'Église de Christ est encore tombée. She has absconded duty again. Elle s'est encore esquivée de son devoir. My sons are no more. Mes fils ne sont plus. No one is left to pitch my tent. Personne n'est là pour monter ma tente. It's happening right now in the church. Se passe juste maintenant dans l'église. That's the tertiary level. C'est le troisième niveau. You see that? Are you hearing me? The third level. Vous voyez cela? Vous m'entendez? Le troisième niveau. I'm just telling you, be careful with the words of the prophet of the Lord. Je vous dis juste, attention les paroles du prophète du Seigneur. You're in a prophetic ministry, so you'd rather get this, you know? Vous êtes dans un ministère prophétique, alors vous avez avantage à recevoir cela. That's the third level. C'est le troisième niveau. Because now you are looking for people that can pitch for the Lord his tent. Parce que maintenant vous cherchez des gens qui peuvent dresser la tente du Seigneur. Meaning a holy tabernacle. Signifiant le saint tabernacle n'est pas là. They are building things, what small tenders, small stores. Ils construisent des choses, des petits magasins, des petits dépôts. As a business enterprise. Entreprise commerciale. For ugali and rent. Pour la nourriture et le loyer. They have turned church into small business. They say these days, if you don't find a job, open a church. Ils ont tourné l'église en un petit commerce. Ils disent, si vous ne trouvez pas un travail, ouvrez une église. But I'm talking about pinching the tent of the Lord. Mais je parle à propos de dresser la tente du Seigneur. That is a holy tabernacle of the Holy Spirit. Ça, c'est un tabernacle saint du Saint-Esprit. Especially at this hour. Spécialement en cette heure. The sons are no more again. Les fils ne sont plus. They're not there. Ils ne sont plus là. There's desolation in the church. Il y a une désolation dans l'église. So the issue is, alors, l'issue est, there is desolation in the house. Il y a de la désolation dans la maison. Rachel is wailing again. Rachel est encore en train de se lamenter. And she's refusing to be comforted. Elle refuse d'être consolée. Don't comfort me. Ne me consolez pas. Let my face be wet. Laissez mon visage être humide. Let my tears go down. I want to wail until my face is totally wet. Laissez mes larmes couler. Je désire pleurer jusqu'à ce que mon visage soit complètement mouillé. Because my sons are no more. Parce que mes fils ne sont plus. No one is left to pitch my tent. Plus personne n'est là pour dresser ma tente. The fourth level is coming. Le quatrième niveau vient. Right now we are worshiping. Juste maintenant, nous sommes en train d'adorer. We are worshiping here, the holy church. Nous adorons ici la sainte église. The oil, the Holy Spirit Church. L'huile, l'église du Saint-Esprit. But at rapture, mais à l'enlèvement, the church will be taken away, l'église va être enlevée, and you are the vessel of the Holy Spirit. Et vous êtes le récipient du Saint-Esprit. When you are taken away, the Holy Spirit is taken away. Quand vous êtes enlevé, le Saint-Esprit enlevé, there will be the abomination of the desolation in the house. Il va y avoir l'abomination de la désolation dans la maison. Then Rachel will wail again. Alors Rachel va se lamenter encore. Did you understand? Est-ce que vous comprenez? It's the fourth level to be fulfilled. Quatrième niveau qui est accompli. The Messiah would come from Judah, right? Le Messie doit venir de Judas. From Jesse. De Jesse. From David. De David. Would be a shepherd. Il va être un berger. I'm just mentioning those prophecies. Juste en train de mentionner ces prophéties. He would be a shepherd. Il sera un berger. He would come from Jesse. Il va venir de Jesse. He would come from David. Il va venir de David. A beautiful one says, and the Messiah, when they saw him coming with his stripes. Quelqu'un de beau est le Messie. Ils l'ont vu venir avec ses meurtrissures. The stripes of his benchmark of righteousness. They said, look, hey, I have seen him. Les meurtrissures du niveau de droiture. Ils disent, regarde, hey, je l'ai vu. With the shepherd's rod. Avec le bâton du berger. He would be a shepherd. Il sera un berger. You know the shepherd's rod. Vous connaissez le bâton du berger? He would be a shepherd. Il sera un berger. The book of Ezekiel, somebody. Le livre d'Ézéchiel. Ezekiel 37. Ézéchiel 37. Alléluia. Alléluia. One of the prophecies said. Une des prophéties a dit. The Messiah would be a shepherd. Le Messie sera un berger. I am actually talking about your lineage, if you understood me right. Je suis en train de parler à propos de votre lignée, si vous me comprenez bien. If you really understood the underpinnings of this, right? Si vous avez vraiment compris les fondements de cela. 37, verse 24. 37, verset 24. And he says, et il dit, and David, my servant, shall be king over them. Mon serviteur David sera leur roi. And they all shall have one shepherd. Et ils auront tous un seul berger. Capital S in the amplifier. Dans la version amplifiée, ils mettent une majuscule à berger. They shall also walk in my ordinance, capital M, my ordinances, and heed my statutes, and do them. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois, et les mettront en pratique. That is the prophecy that foretold his shepherdhood. Ça, c'est la prophétie qui a prédit qu'il va être un berger. Alléluia. Alléluia. There's also another prophecy that says, and the Messiah shall be a prophet. Il y a aussi une autre prophétie qui dit que le Messie va être un prophète. So you can imagine he wore many crowns. Alors, vous pouvez imaginer qu'il porte beaucoup de couronnes. He came in many offices. Il vient avec plusieurs postes. He shared the priestly office, the kingly office, the prophet's office. Il partage le poste princier, le poste royal, le poste de prophète. Many offices. Plusieurs postes. He is worthy of those offices. Il est digne de ces postes. Very worthy is the word. Très digne, c'est le mot. Alléluia. Alléluia. Matthieu chapitre 2 verset 6, in finishing with that prophecy. Matthieu chapitre 2 verset 6, on va finir avec cette prophétie. Matthieu 2 6. Matthieu 2 6. This is what it says. C'est ce qu'il dit. He says. Il dit. But you Bethlehem. Mais toi Bethlehem. In the land of Judah. Dans le pays de Juda. Are by no means least among the rulers of Judah. Tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. But you Bethlehem. Mais toi Bethlehem. In the land of Judah. Terre de Juda. Are by no means least among the rulers of Judah. Tu n'es pas la moindre entre les principales villes de Juda. And he said, et il dit, for out of you will come a ruler who will be the shepherd of my people Israel. Car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Did you understand the fulfillment of that? Vous avez compris l'accomplissement de ceci? Bethlehem. Bethlehem Ephrata. Bethlehem. Bethlehem Ephrata. Abayit Sheli. Bayit is home. Abayit Sheli. Bayit, c'est la maison. Bethlehem, the home of the nations. Lahem. Bethlehem, la maison des nations. Shalom Lahem. Shalom Lahem. Shalom Lahem. The prophets of the Lord. Les prophètes du Seigneur. Also saw, they foresaw, and foretold, and forewarned. En vue aussi, ils ont vu à l'avance, ils ont dit à l'avance, ils ont averti à l'avance. When they said that the Messiah. Quand ils ont dit que le Messie. Would sit on the throne of David, his father. S'assiera sur le trône de David, son père. On the throne of David. Sur le trône de David. Let's look at that prophecy. Regardons à cette prophétie. Okay, turn with me right away to the book of Isaiah chapter 9 verse 7. Tournez avec moi au livre d'Ésaïe chapitre 9 verset 7. Isaiah 9 7 precious people. Ésaïe 9 7 précieux peuple. Of the increase of his government and peace there will be no end. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin. I like that. J'aime ça. Because parce que he included peace. Il inclut la paix. Which means eternal peace. Ce qui signifie une paix éternelle. I know the way mankind loves peace. You see that? Je sais comment l'humanité aime la paix. Of the increase of his authority, of his government. À l'accroissement de son autorité, de son gouvernement. Of the increase of his government and peace. À l'accroissement de son gouvernement et une paix. There will be no end. Une paix sans fin. No boundary, no limit. Sans frontière, sans limite. You limit yourselves here, no way. Vous vous limitez vous-même, mais pour lui, il n'y aura pas de fin. For him, there will be no end to the increase. Are you understanding what I'm saying? Il va y avoir pas de fin pour l'accroissement. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaye de dire? Increase. I'm not saying the definite, the defined. La croissance. Je ne dis pas qu'ils sont définis. He said, il a dit. Of the increase of his government. De la croissance de son gouvernement. And peace. Et de la paix. Increase. He talks about after he has defined that this is now my zone, my domain. De l'accroissement. Il parle à propos de après qu'il ait défini. C'est maintenant ma zone, mon domaine. Now beginning the increase now. Maintenant. Commençons l'accroissement maintenant. Of the increase. De l'accroissement. Of the increase of his government and peace. De l'accroissement de son gouvernement et la paix. There will be no end. Il n'y aura pas de fin. He will reign on David's throne. Il va régner sur le trône de David. And over his kingdom. Et sur son royaume. And establish and uphold it with justice and righteousness. Et l'affermir et le soutenir par le droit et la justice. From that time on, forever. Dès maintenant et à toujours. The zeal of the Lord Almighty. Voilà ce que fera le zèle du Seigneur Tout-Puissant. Will accomplish this for him. Il va accomplir cela pour lui. Did you understand that? Vous comprenez ceci? He would sit on the throne of David. Il va s'asseoir sur le trône de David. And celebrate the reign of righteousness. Et célébrer le règne de la justice. And justice. Et de la droiture. So this is big. Ceci est grand. This was the fulfillment now of that prophecy. C'était l'accomplissement maintenant de cette prophétie. We've seen the first time, first one when he came, you know. Nous avons vu la première fois, la première quand il est venu. We've seen now he's coming back as crowned. Et vous voyez maintenant qu'il revient en tant que couronné. We see when he comes again, you know, in Jerusalem. Vous voyez quand il revient à Jérusalem. So all these are multi-tier. Tout ceci, ce sont plusieurs desseins. Alléluia. Alléluia. I want to finish the last one now. Je désire terminer le dernier maintenant. The Messiah, le Messie would be the anointed one. Va être celui qui est oint. Alléluia. Alléluia. That's the last one. C'est le dernier. He would be the anointed one of God. Il va être loin de Dieu. In other words, I put it, this prophecy I'm talking about now. En d'autres mots, je le mets, cette prophétie dont je parle maintenant a dit that the Messiah would be eternally anointed. Que le Messie va être oint éternellement. Eternally. Éternellement. So there's no end to his anointing. Alors il n'y a pas de fin à son onction. The Messiah would be the carrier of an eternal anointing of God. Le Messie va être un porteur d'une onction éternelle de Dieu. Isn't that beautiful that we serve a God with an eternal anointing? Est-ce que ça n'est pas beau de servir Dieu avec une onction éternelle? It will never drain off. Elle ne va jamais passer. It will always be there with us. Elle va être toujours ici avec nous. And for us. Et pour nous. You see that? So when we are there, he will not come and say, "Oh, today we are going to run into trouble." No. Quand vous êtes là, vous n'allez jamais dire, "Aujourd'hui, nous allons avoir des troubles." Instead, there will be increase of that anointing. Au contraire, à la place, il va y avoir un accroissement de cette onction. So turn with me very fast. Alors, tournez avec moi très rapidement. To some. The book of Psalm 45. Au psaume 45. Psalm 45. That's what I meant that I wanted to look at the stripes. C'est ce que je pensais quand je désirais voir à propos des meurtrissures. In fact, the stripe of his anointing, it was righteousness, right? En fait, les meurtrissures de son onction, c'était la justice. The issue is. L'issue, c'est. The stripes of his anointing. Les meurtrissures de son onction. I want to see. The stripes that defined the eternity of his anointing and kingdom. J'aimerais voir les meurtrissures qui ont défini l'éternité de son onction et de son royaume. Because they said thereof his kingdom will be eternal. Parce que ils ont dit dorénavant son royaume va être éternel. His anointing will be eternal. Son onction va être éternelle. But the prophets have seen the stripes. Alors les prophètes ont vu les marques of his coming. De sa venue. So I wanted to see. Alors, je désire voir the stripes of this anointing. Les marques de son onction. That actually denote the eternity of his kingdom. Qui actuellement dénote l'éternité de son royaume. Alléluia. Alléluia. As the king of eternity. En tant que roi de l'éternité. Psalm 45, verses 6. Le psaume 45, verset 6. Let me first read for you. So you may understand the horseman. Laissez-moi lire pour vous, comme ça vous allez comprendre le cavalier. Yes, if I can read a little bit more, and then I come to verse 6 and 7. Si je peux lire un petit peu plus, et ensuite je viendrai au verset 6 et 7. Psalm 45, I'm reading from verse 3. Le psaume 45, je lis dès le verset 3. Guard your sword upon your side, O mighty one. Ceinte ton épée sur ton côté, ô toi le puissant. Clothe yourself with splendor and majesty. Habille-toi de splendeur et de majesté. In your majesty, again, in your majesty, ride forth victoriously in behalf of truth. Oui, ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité. And righteousness. Et la justice. Let your right hand display awesome deeds. Que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Let your sharp arrows pierce the hearts of the king's enemies. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi. Let the nations fall beneath your feet. Que les nations tombent à tes pieds. Okay, I'm just explaining to you just a little glimpse on the synonym. Je vais juste vous expliquer, juste un coup d'œil sur les synonymes. You remember, he comes out as a rider bent on conquering. Vous vous souvenez, il est sorti comme un cavalier décidé à conquérir. A conqueror bent on conquest. Un conquérant décidé à conquérir. So you understood. Alors, vous comprenez. But this is talking about the Messiah, though. Mais cela parle à propos du Messie. You understand? Vous comprenez? So you can see the parallel. Vous voyez le parallèle? You see when the horsemen come out, you know? Voyez quand le cavalier sort. The one that the Lord showed me with a lot of bees cover, millions of bees cover the whole of his head up to the shoulder. Celui que le Seigneur m'a montré avait beaucoup d'abeilles, des millions d'abeilles qui couvraient sa tête depuis les épaules. Before I went to sleep, I was kneeling down. Avant que j'aille me coucher, j'étais à genoux. By the bedside and praying. Au bord du lit et je priais. And I saw live vision. I saw his garments. Et j'ai vu une vision en direct. J'ai vu son vêtement. I could see his garments. Je pouvais voir son vêtement. But now in the night, the Lord showed me. He appeared now in the sky and spoke with me. Mais maintenant dans la nuit, le Seigneur m'a montré. Il est apparu maintenant dans le ciel et a parlé avec moi. About the destruction of the financial institutions. À propos de la destruction des institutions financières. The stinging economic pain that are coming. But what a tremendous sight. La piquante peine économique qui vient, mais quelle grande vue. Covered with bees. Couvert d'abeilles. Flowing down his beard. Allant sur sa barbe. What a tremendous sight. What a shocking, outrageous sight. Quelle vue énorme. Quelle vue outrageuse et choquante. That is the rider of the black horse. Ça, c'est le cavalier du cheval noir. Okay, now let us get to the prophecy that said the Messiah would be the bearer of the eternal anointing of God. Alors, allons à la prophétie qui dit que le Messie va être le porteur de l'éternelle onction de Dieu. Psalm 45, verse 6 and 7, he says. Le psaume 45, les versets 6 et 7, il dit. Your throne, O God, will last forever and ever. Ton trône, ô Dieu, va rester pour toujours et toujours. The scepter of justice will be the scepter of your kingdom. Le sceptre de justice sera le sceptre de ton royaume. You love righteousness. Tu aimes la justice. And hate wickedness. Et tu hais la méchanceté. Therefore, God, your God, has set you above your companions by anointing you with the oil of joy. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Alléluia. Alléluia. Let me explain this to you, precious people. Laissez-moi vous expliquer cela, précieux peuple. Why is it that he says that those of you that will enter the eternal kingdom of God? Pourquoi est-ce qu'il a dit que ceux d'entre vous qui vont entrer dans le royaume de Dieu, you live forever and ever. Why? Vous allez vivre pour toujours et toujours. Pourquoi? What is the requirement? Quelle est l'exigence? What is the prerequisite for you to be able to live eternally? Quelle est la condition préalable pour que vous puissiez vivre éternellement? It is righteousness. C'est la justice. Now I see here. Maintenant je vois ici. When he says, and your kingdom shall be with no end. Quand il dit, et ton royaume sera sans fin. Eternal. Éternel. Then I see that the driving force. Ensuite je vois que la force de conduite. That thrusts the momentum. Qui pousse l'impulsion. The eternal momentum upon that kingdom. L'éternelle impulsion sur le royaume. Is righteousness. C'est la justice. Because only righteousness lasts forever. Parce que seule la justice reste pour toujours. And that's why he says. C'est pourquoi il dit. Blessed are you that will invest. Bénis soyez-vous qui investissez. In righteousness. Dans la justice. At this time. En ce temps. Because then eternity is yours. Parce que ensuite. L'éternité est à vous. Because when all the gold and the silver and the diamond have crushed in the financial markets. Parce que quand tout l'or et les diamants et l'argent se sont écrasés dans le marché financier. You that invested in righteousness. Vous qui avez investi dans la justice. The value of your stocks. Les valeurs de vos réserves. Are just soaring. Sont juste en train d'augmenter. Alléluia. Alléluia. For you, the worth of your treasures that you kept your stocks. Pour vous, la valeur de vos trésors que vous avez dans vos réserves. Treasures. Des trésors. Your banking stocks, reserves. votre compte en banque, vos réserves will increase eternally. Vont grandir éternellement. Because of righteousness. À cause de la justice. Nothing else. Rien d'autre. Even him. Même lui. He has subjected us to the same benchmark. Il nous a soumis au même indice de repère. Same yardstick of righteousness. La même mesure de justice. He is not unfair. Il n'est pas injuste. Even him. Même lui. That is the same yardstick. C'est la même mesure. That propels his kingdom to eternity. Qui propulse son royaume dans l'éternité. How about the anointing? Qu'en est-il de l'onction? His anointing is eternal. Son onction est éternelle. The prophecy said, and the Messiah shall be the bearer of an eternal anointing of God. Et la prophétie a dit, et le Messie sera le porteur d'une éternelle onction de Dieu. Why? Pourquoi? Because the Messiah will be the king of righteousness. Parce que le Messie sera le roi de justice. You really understood this? So then, if we have realized this. Alors, si vous réalisez ceci. Then let us stick to righteousness. Ensuite, passons à la justice. Because the treasure embedded in righteousness. Le trésor impliqué dans la justice. Cannot be defined by pen and paper. Ne peut pas être défini par des stylos et du papier. Cannot be spoken in words. Ne peut pas être dit en mots. We will never fathom that in this lifetime. Nous ne pénétrerons jamais cela dans le temps de cette vie. How is it that when you wear, comment se fait-il que quand vous vêtez one element, un élément, one standard, un standard, one attribute of God called righteousness, un attribut de Dieu appelé justice, then now you transform from the mere perishable, mere mortal, to eternal. Alors maintenant, vous transformez ce qui est simplement périssable ou simplement mortel en ce qui est éternel. That means we may never understood the workings of righteousness upon humanity. Ça signifie, nous ne pouvons jamais comprendre les œuvres de justice sur l'humanité. We cannot come out with a mechanistic mechanism. That will be able to derive that after point B, righteousness converts this to this. Nous ne pouvons pas sortir avec le mécanisme qui va être capable de dériver du point B la justice qui convertit ceci en cela. One thing that I know, he says there. Une chose que je sais, il dit là. You hate wickedness. Vous haïssez le mal. Did you understand that? Vous comprenez ceci? And love righteousness. Et aimez la justice. That means when you uphold righteousness. Ça signifie, quand vous défendez la justice, it is just obvious, just automatic, it's just natural, c'est juste évident, juste automatique, juste naturel, that you should hate wickedness. Que vous êtes censé haïr le mal. In fact, in any way, en fait, et de toute façon, the love of righteousness translates equals to hating wickedness. L'amour de la justice traduit est égal à haïr la méchanceté. Hating evil. Haïr le mal. Alléluia. Alléluia. So the Lord is saying one thing if you understood him right. Parce que le Seigneur dit une chose, si vous le comprenez bien. He's saying. Il dit. That righteousness is for the kingdom of God. Que la justice est pour le royaume de Dieu. That's all he's saying. Ça, c'est tout ce qu'il dit. But listen. Mais écoutez. But the salvation that you received, the salvation at the cross. Mais le salut que vous avez reçu. Le salut à la croix was a salvation based on the foundation of righteousness. Était un salut basé sur la fondation de la justice. In fact, if you look at the cross itself, en fait, si vous regardez à la croix elle-même, the cross is an act of righteousness. La croix est une œuvre de justice. Because there had to be judgment to sin that had happened. Parce qu'il devait y avoir un jugement pour le péché qui est arrivé. So righteousness had to be done right. Parce que justice doit être faite. And so the cross actually embeds, talks about the foundation of righteousness. Et alors la croix, actuellement impliquée, parle à propos de la fondation de la justice. Now, if the salvation you received, maintenant, si le salut que vous avez reçu actually is defined within the bounds of righteousness, est en fait défini dans les limites de la justice. Within the dimensions of righteousness alone does your salvation get defined. Votre salut devient défini dans les dimensions de la justice seule. Then that means your salvation is not for weakness. Alors cela signifie que votre salut n'est pas fait pour de la faiblesse. No, you cannot spill out and use it for weakness. Non, vous ne pouvez pas déborder et l'utiliser pour de la faiblesse. You see the standard the Lord is raising here? Vous voyez le standard que le Seigneur élève ici? He's saying from today on you'd rather know if you do not know. Il dit depuis aujourd'hui, c'est mieux que vous le sachiez si vous ne savez pas. That you are totally purchased, bought out for righteousness. Que vous êtes totalement racheté, acheté pour la justice. So you cannot live for another. Alors, vous ne pouvez pas vivre pour un autre. God is saying, I am a jealous God. Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. In other words, I'm trying to translate the different forms of what he's saying. En d'autres mots, j'essaye de traduire en mots différents à propos de ce qu'il dit. I am a jealous God. Je suis un Dieu jaloux. And I will not let you, he says. Et je ne vais pas vous laisser. I will not allow you. Je ne vous laisserai pas. That now you want to walk on righteousness here and then one leg on wickedness. Que maintenant vous marchez dans la justice et d'autre part vous choisissez la méchanceté. Then he says, you are lukewarm. Ensuite il dit, vous êtes tiède. You are confusing to me. Vous me rendez confus. You are neither hot nor cold. Ou bien vous êtes bouillant ou bien vous êtes froid. I will spew you, I will spit you, I will puke you. Je vais vous vomir, je vais vous cracher. Now you understand it. Maintenant, vous comprenez ça. So it means we need to bear one thing in mind. Dans votre pensée, et à mettre au jour une chose dans votre pensée. That the visitation of God that we are celebrating today. Que la visitation de Dieu que nous célébrons aujourd'hui. As we do that. Comme nous faisons cela. We need to understand. Nous avons besoin de comprendre. That essentially. Que essentiellement. We are celebrating the righteousness of God. Nous célébrons la justice de Dieu. So make sure we get this right. Alors soyez sûr que vous le comprenez bien. It's not for evil. Ça n'est pas pour le mal. It's only for righteousness. C'est seulement pour la justice. We are celebrating. Nous célébrons the replenishing of our understanding. La reconstitution de notre compréhension. On the righteous requirements of God. Sur les exigences justes de Dieu. The Lord has sent me to shout righteousness. Le Seigneur m'a envoyé pour crier la justice. The return to righteousness. Le retour à la justice. Please return to righteousness. S'il vous plaît, retournez à la justice. Without righteousness, you will not enter. Sans la justice, vous n'entrerez pas. Please uphold righteousness. S'il vous plaît, défendez la justice. Embrace righteousness. Embrassez la justice. I have sung righteousness in all the corners of this country. J'ai chanté la justice aux quatre coins de ce pays. Singing righteousness. Chantons la justice. The importance of righteousness. L'importance de la justice. The centrality of righteousness. La centralité de la justice. In your life. Dans votre vie. In your redemption. Dans votre rédemption. Salvation. Dans votre salut. Eternity. Dans l'éternité. Everything. Toute chose. Service to the Lord. Service au Seigneur. Priesthood. La prêtrise. Only righteousness. Seule la justice. Lasts forever. Reste pour toujours. So please hold it. Alors, s'il vous plaît, tenez-le. If I understand this right. Si je le comprends bien. If I said we cannot even comprehend. Si j'ai dit, vous ne pouvez même pas le comprendre. The value of righteousness. La valeur de la justice. So you cannot say for this amount. Vous ne pouvez pas dire pour ce montant. I can trade off righteousness. Je peux vendre la justice. Or I can purchase righteousness. Ou je peux racheter la justice. That means. Ça signifie. Righteousness is not of this perishable realm. La justice n'est pas de ce domaine périssable. So. Alors. Righteousness comes as a result of the grace. La justice vient comme un résultat de la grâce. We cannot purchase it. Nous ne pouvons pas la racheter. It had to be given by grace, you see. Elle a à être donnée par grâce. And if you receive it by grace. Et si vous la recevez par grâce. Then you do what? Treasure it. Alors, vous la chérissez comme un trésor. In other, don't lose it. En d'autres mots, ne la perdez pas. Because you put all the gold of the earth together. Parce que si vous mettez tout l'or de la terre ensemble. On one side of the scale. Sur un plateau de la balance. And you put the righteousness of the Lord here. Et vous mettez la justice du Seigneur De l'autre côté, it will throw, we cannot have enough to purchase it. Ça va soulever l'or parce que vous n'avez pas assez pour acheter cela. We don't have the capacity to buy righteousness. Nous n'avons pas la capacité d'acheter la justice. So which means, ce qui signifie, if something is that scarce, si quelque chose est si peu abondant, if something is that rare, si quelque chose est si rare, and yet treasured, et maintenant tellement chéri comme un trésor, then you keep it, you guard it jealously. Alors vous le conservez, vous le gardez jalousement. So as we celebrate today, alors comme aujourd'hui nous célébrons, what the Lord has been doing in this land and yet to do in the other places where we'll be going, ce que le Seigneur a fait dans ce pays et ce qu'il fait dans d'autres places où nous allons, and also the opening of the nations, et aussi l'ouverture des nations, essentially, essentiellement, let us remember that this is based on righteousness. Souvenons-nous que c'est basé sur la justice. We are actually acknowledging God that look, you are righteous. Que actuellement, nous faisons connaître à Dieu, regarde, nous sommes justes. You have grafted us into your righteousness. Tu nous as greffés dans ta justice. Alléluia. Alléluia. This is now the next note of the Christian salvation. C'est maintenant la note suivante à propos du salut chrétien. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse.